Par-delà le bien et le mal, prélude d'une philosophie de l'avenir. La tâche qui incombait aux prochaines années était prescrite aussi sévèrement que possible. Après avoir accompli la partie affirmative de cette tâche, c'était le tour de la partie négative où il fallait dire non, agir non. Il fallait entreprendre la transmutation de toutes les valeurs qui avait eu cours jusqu'à présent, la Grande Guerre, révocation du jour où la bataille serait décisive. Pendant ce temps, je me suis aussi enquis lentement de nature semblable à la mienne, de celles qui, appuyées sur leurs réserves de force, prêteraient la main à l'œuvre de destruction. Depuis cette époque, tous mes écrits sont des hameçons que je lance. Peut-être que je m'entends mieux que n'importe qui à pêcher à la ligne. Si rien ne se laissa prendre, ce n'était pas de ma faute. Les poissons faisaient défaut. Le livre, 1886, est dans ses parties essentielles une critique de la modernité, les sciences modernes, les arts modernes, sans en exclure la politique moderne. Je donne également des indications au sujet du type contraire qui est aussi peu moderne que possible, un type noble, un type affirmatif. Considéré ainsi, mon livre est l'école du gentilhomme, le mot pris dans un sens plus intellectuel et plus radical qu'il n'a été fait jusqu'à présent. Rien que pour tolérer cette interprétation, il faut avoir du courage. Il ne faut pas avoir appris la peur. Toutes les choses dont notre époque est fière sont envisagées comme l'opposé de ce type. J'y vois presque l'indice de mauvaise manière. Je citerai, par exemple, la fameuse objectivité, la compassion avec tout ce qui souffre, le sens historique avec sa soumission devant le goût étranger, sa platitude devant les petits faits, l'esprit scientifique. Si l'on considère que le livre est écrit après Zarathoustra, on devinera peut-être aussi le régime diététique d'où il tire son origine. L'œil qui, sous l'empire d'une nécessité formidable, a pris la mauvaise habitude de voir dans le lointain, Zarathoustra possède une plus longue vue que le tsar, est forcé à saisir ici d'un regard aigu ce qu'il y a de plus proche, le temps, ce qui se trouve autour de lui. On verra dans tous les détails, mais avant tout dans la forme, un pareil éloignement despotique des instincts qui rendirent possible la création d'un Zarathoustra. Au premier plan, il y a le raffinement dans la forme, dans l'intention, dans l'art du silence. La psychologie est maniée avec une cruauté et une dureté voulue. Le livre tout entier ne contient pas un seul mot de bonté. Tout cela repose. Qui donc saurait deviner en fin de compte quelle espèce de récréation rend nécessaire un tel gaspillage de bonté comme celui qui se trouve dans Zarathoustra? Pour parler théologiquement, écoutez, car je parle rarement en théologien. Ce fut Dieu lui-même qui, sous la forme du serpent, se coucha sous l'arbre de la connaissance lorsqu'il eut accompli son œuvre. Il se reposait ainsi d'être Dieu. Tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait trop beau. Le diable n'est que l'oisiveté de Dieu, à chaque septième jour.